Bravant la neige et la tourmente, bravant la bise et l'aquilon, qu'il grêle, qu'il pleuve ou qu'il vente, franchissant montagne et vallon, malgré l'éclair crevant la nuit, le tonnerre et branlant les cieux, elle va d'un vol audacieux, traçant sa route résolue. La cigogne rapide, allez, ça va très vite, accomplit sa mission d'agent de transmission. Il livre sur la terre, dans le plus grand mystère, les précieux dons des cieux, la voici, la messagère des célestes. Et le laisse tomber, sans jamais se tromper, l'envoi recommandé. Enfin, voici l'heureux moment, réjouissez-vous, maman, la cigogne vous apportera d'enfant. Indécise et un paquet surprise qui vous descend du ciel par message officiel. Déballez la portée que la cigogne a apportée. C'est peut-être des quintuplés. Se réjouit, c'est lui. Il revient le petit train forain. Voici les beaux jours, il est de retour. Ah, que le voyage. Tâchons de nous repérer. Maintenant, je ne vois pas en être très loin. Espérons-le. Oh, doucement, pas si vite. Voyons voir, où suis-je? Ah, voilà, route nationale 61, 4 km jusqu'à la pompe à essence. Tournez à gauche. Hein? Oh, ça doit être là. Voilà, mon garçon, ça y est, nous allons descendre. Madame Jumbo! Oh! Madame Jumbo! On demande Madame Jumbo! Oh. Madame Jumbo! Oh! Pardon. Madame Jumbo! Oh, est elle cette Madame Jumbo? Enfin, laquelle de ces dames attend une livraison? Oh, quelle idée! Moi, encore moins. C'est elle, bien sûr. Et oui, personne ne peut être qu'elle, évidemment. Oh, naturellement. Voilà un bébé aux yeux bleus que j'apporte pour combler vos voeux. Il est expédié par Dieu même, c'est un bébé fait pour qu'on l'aime. Signez ici, je vous prie. Oui, bon, ça s'écrit comme ça. Permettez une minute. J'ai encore une mission à remplir. Acceptez tous nos souhaits de bonheur et de paix. Acceptez les chers. Comment s'appelle le jeune homme? Jumbo. Junior. Oh, Jumbo Junior. Jumbo Junior. Acceptez les chers, Jumbo Junior. C'est le bonheur qui... Je suis sur des charbons ardents. J'ai hâte de le voir. Je me sens tout émue. Non, c'est une bien grande joie, ma chère. Oh, dépêchez-vous d'ouvrir le paquet. Je meurs d'envie de le voir. Oh, oh, comme il est gentil. Oh, le petit ange. Oh, le cher humain. Oh, il est adorable. Adorable, absolument adorable. Oh, je n'ai jamais rien vu de si gentil. Il est à croquer. Kili, kili, kili, kili, kili, kili. Regardez donc, c'est O-R-E-I-2-L-E-S. C'est quoi? Ses oreilles! Oh, il a des oreilles effarantes! Oh, oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Jésus, mais elle est folle! Oh, ben qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, voyons, qu'est-ce que j'ai dit? Vous faisiez une simple remarque. J'ai dit qu'elles étaient effarantes, elles sont effarantes. Ça, sans aucun doute. Après tout, on ne s'en occupe pas, on s'en fiche de son Jumbo. Jumbo? On peut dire Dumbo. Ah oui, l'empoté. Dumbo, l'empoté. Oh, Dumbo, l'empoté. Dumbo, l'empoté. Dumbo. Dumbo. j'arriverai, si j'arriverai, si j'arriverai, si j'arriverai, si j'arriverai. Ça y est, je l'ai fait, ça y est, je l'ai fait, ça y est, je l'ai fait. Wouhou! Prenez vos billets, mesdames et messieurs. Entrez, mesdames et messieurs, venez voir le spectacle le plus sensationnel du siècle, le spectacle le plus extraordinaire, le plus formidable, le plus prodigieux du monde. Entrez, entrez. On a l'air qu'il est marrant, visé ses oreilles. On dirait des ailes. Pas la peine d'essayer de le cacher. Eh oui, il y a toujours un bout d'oreille qui pend. Allez, laissez-nous le regarder, quoi. Oui, on peut rigoler. Dame, on est venu pour ça. Avant, Jumbo! Avant! Avant! Maîtrisez-la! Allongez! Attachez-la! Conserver de la décence. Oh, vous avez bien raison, ma chère. C'est peut-être ce qu'on appelle l'amour maternel. Ce n'est pas une excuse pour agir comme elle l'a fait. Ou alors l'amour maternel pourrait justifier toutes les turpitudes. Oh, on ne s'entend plus manger ici. Oh, la barbe, la barbe. Écoutez-moi, c'est commère. Écoutez, mes enfants, écoutez. J'ai des nouvelles sensationnelles à vous annoncer. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai entendu dire qu'on l'avait mise toute seule dans une prison spéciale. Non, vous en êtes sûre, ma chère. Oh, ce doit être affreux pour elle. Moi, j'estime qu'elle n'a rien à se reprocher. Vraiment, c'est injuste. Vous avez absolument raison. Mais tout ça, c'est la faute de ce petit idiot, de cet avorton ridicule. Évidemment. Oh. Évidemment. Oui, avec des oreilles comme ça, il n'y a qu'une mère qui puisse l'aimer. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces oreilles? Qu'est-ce qu'on en reproche? Moi, je les trouverai. Mesdames, il n'y a rien de risible dans tout cela. Oh, elle a raison, mes enfants. Vous oubliez que nous, les éléphants, nous avons toujours montré de la dignité. Son ridicule rejaillit sur nous toutes, songez-y. Oui, c'est juste. Oh, c'est exact, elle a raison. À vous dire la vérité, ça me gênerait de manger la même botte de foin que lui, ma chère. Oui, moi aussi. C'est vrai. Oh, ça, moi aussi. C'est exactement ce que je pense. Oh, attention, le voilà qui vient. Faites semblant de ne pas le connaître. Qu'est-ce que vous dites de ça? Tournez le dos à ce pauvre gosse. Pauvre petit gars. Il est tout seul au monde. Sa mère est en prison et il n'a pas de copain. Il n'y a personne qui l'aiderait. Oh! Attendez, vous allez voir. Et vous avez peur de moi? La belle engeance! Gros sac gonflé de surdebois! Ça au gosse. Où est-ce qu'il est? Oh, Hé, hey, Dumbo, tu peux venir maintenant. Oh, nom d'un chat, je lui ai fait peur aussi. Écoute, Dumbo, je suis ton copain. Alors viens, montre-toi. Tu n'as pas peur de moi, je suis si petit. Hein? T'as peur? Il y a des jours où on ne connaît pas sa force, j'ai été trop loin peut-être. Dumbo, regarde ce que j'ai là pour toi. Tu l'auras, mais montre-toi. Dommage que t'aies pas confiance, parce que je songeais que toi et moi, on pourrait tirer ta mère de sa prison. Mais je vois que ça ne t'intéresse pas alors. Adieu, Dumbo. Bien, tu commences à saisir. Tu sais, ta mère est pas folle. Elle a seulement beaucoup de chagrin. Si tes oreilles sont comme ça, c'est la faute de personne. Cette fois, je vois ce qui te gêne. Hé, hey, dis, Dumbo, moi, je l'ai trouvé patente, tes oreilles. C'est sûr. Et réflexion faite, je les trouve très décoratives. Tu sais, il y a des tas de gens célèbres qui avaient de grandes oreilles. Oh, mon vieux, on va monter un numéro au cirque. Tu deviendras une vedette, une étoile. Dumbo, le grand... Le grand quoi? Oh. Écoute, Dumbo, il faut trouver une idée. Une idée originale, qui fasse sensation, dans le genre de... J'ai une idée. Maroune idée. Écoute, une idée, jamais il n'en a eu. Imagine-toi un éléphant grimpant sur le dos d'un autre éléphant, et puis un autre. Et puis encore un jusqu'à ce que tous nos éléphants arrivent à former une énorme pyramide de pachydermes. Alors c'est mes cartes. Je donne un coup de sifflet, toutes les trompettes se mettent à sonner. Ouais. Et alors j'amène l'apothéose. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette apothéose? Je n'en sais rien encore. Je le savais qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Je vais y penser en dormant. L'inspiration me viendra en rêve. Bonsoir, Joe. Bonsoir, patron. Une apothéose. J'ai trouvé! Dumbo, ce sera toi, l'apothéose. Attends-moi 5 minutes. Je me charge d'assurer ton avenir. La voix de ton subconscient. Je suis ton inspiration. Attention, concentre-toi. Rappelle-toi, la pyramide d'éléphant est au milieu de la piste et il te faut une apothéose. L'apothéose. Tu vas la trouver maintenant, cette apothéose. L'apothéose. Enregistres-tu bien? On peut y aller? Ouais. Bien. Alors, écoute-moi bien. Ton apothéose, la voilà. L'apothéose. Un éléphant arrive en courant. Il saute, projeté par un tremplin, sur une plateforme tout à fait au sommet de la pyramide, et il brandit un drapeau. Voilà ton apothéose. L'apothéose. Et qui sautera sur le tremplin? Ce sera l'éléphant aux grandes oreilles, le merveilleux, mystérieux mastodonte miniature, Dumbo. Dumbo. Dumbo. Dumbo. Dumbo. Dumbo, ça y est, Eureka! Mesdames et messieurs! sensationnels, les plus stupéfiants, les plus super colossales des spectacles. Nous allons ériger maintenant ici, sur cette petite boule, un édifice défiant la nature, une pyramide. Et ce n'est pas une pyramide de pierre. À l'entendre, on croirait que c'est lui qui va faire ça tout seul. Il l'avance à salade. Des pyramides vivantes, constituées par les plus grands, les plus gigantesques pachydermes. Je vous présente mes éléphants. Mal élevé ce que vous faites. Hé, hey, on a légèrement engraissé, dis donc chérie. Est-ce que tu te prends pour une bulle de savon, toi? Mademoiselle, attention à ce que vous faites, allons. Vous me mettez les pieds dans l'œil, impertinent. Oh. Allez doucement. Ben mon vieux, il s'en est fallu de peu. Ça y est presque maintenant, Dambo. Et tu penseras à secouer ton drapeau, hein? Ça va, ne te fatigue pas d'avance. Tu n'auras qu'à foncer, tu y es? Saute sur le tremplin et ne t'occupe pas du reste. Allez, répète un peu ton rôle que je vois ça. Très bien. Épatant, formidable, vas-y. Oh, ton Dambo. Ah, ses oreilles. Il faut qu'on y fasse quelque chose. Mesdames et messieurs, vous venez de voir de vos propres yeux s'accomplir l'impossible. Voici en équilibre. Cet géant de la jungle, dont chacun pèse au Quel rameau, sacré bavard, il pourrait un peu se dépêcher. Mais attention, je vous présente maintenant les plus lésés des éléphants qui va bondir de ce tremplin et qui, dans un élan prodigieux, va atteindre le sommet de cette pyramide, agitant son drapeau dans une glorieuse apothéose. Mesdames et messieurs, je vous présente Dumbo. Allez, allez. Mais qu'est-ce qui te prend, voyons? Dumbo, mais c'est ton tour. Allez, Dumbo. jamais cru que je vivrais assez pour voir un pareil scandale. À cause de ce petit imbécile, je ne vais plus oser montrer ma figure. Oh, regardez, j'avais une queue ravissante. Il donnerait une de ces fessées qui compte dans la vie d'un éléphant. Ça ne sera pas nécessaire, ma chère. Cet imbécile est déjà puni. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Raconte. Est-ce qu'ils l'ont battu? Oh, vite, raconte-nous ça, mon petit. Allons vite, mettez-moi au courant. Oh, eh bien, ils viennent d'en faire... Oh, mon Dieu, je n'oserais jamais le dire. Allons parler. Ils viennent d'en faire un clown. Un clown? Non, si. Oh, quelle honte pour lui. Faisons ici un serment solennel. À partir de maintenant, nous allons le rayer de la race des éléphants. J'ai avalé une éponge. À la santé de Dumbo. Oui, à Dumbo. Dumbo, il est détendant. Regarde, il craque en ton honneur. Oui, t'as été fantastique. Te le dis, t'as été épatant. Oh, ton succès a été prodigieux. Lève-moi. Allez, hop, que je te lave un peu derrière les oreilles. Oh, tu vas pas pleurer. Oh non, t'es une vedette. Tiens, tiens, mange ça. C'est une cacahuète. C'est plein de vitamines. Après ça, tu te sentiras gonflé à bloc. Oh, j'oubliais de te dire. Oui, on va tous les deux aller voir ta maman. J'ai pris rendez-vous pour toi. Je te l'ai pas dit. Oh, ça c'est bien, moi. Prends ton galure. Allez. Allez, va, c'est là-bas. C'est un petit coin tranquille, hein? Madame Jumbo! J'espère qu'elle est là. C'est une visite. Thank you. petit, mon petit, quand tu joues, que s'enfuir mes soucis. Le bonheur rit dans mon cœur et le guérit, mon tout petit. Il se cassera les reins. T'inquiète donc pas, les éléphants, c'est incassable. Ça sent rien, ils sont en caoutchouc. C'est une idée sensationnelle. Allons dire ça au patron. Oui, ah, oui, oui, oui. Et qu'il augmente nos cachets. Oui, cette idée-là vaut de l'argent. Il fallait trouver le pain pour les enfants. Lui demander de l'augmentation, naturellement. Notre idée vaut une fortune. On lui demande pas la lune, mais nous voulons. Oui, nous voulons de l'augmentation. Je comprends, Dumbo. Mais faut pas te laisser démonter. Tu crois que ça ferait plaisir à ta maman de te voir pleurer comme ça? Dis-toi bien que tu avais des mammouths pour ancêtres. Quoi, tu es un pachyderme? Les pachydermes, ça pleure pas. Et puis à quoi ça te sert de pleurer? À rien, qu'à avoir le hoquet. Tiens, tu vois? Voilà. Tiens, bois un peu d'eau fraîche, ça te remettra. Allez, viens, innocent. Nous allons tout de suite remédier à ça. Allons, viens. Allez, une bonne trompée. Écoute, mon garçon. Jusqu'à maintenant, je le reconnais, tu n'as pas eu de veine. Mais à nous deux, nous allons faire des choses formidables. Retiens ta respiration. On dit, ta mère va bientôt être fière de toi. Moi aussi, je serai fier de toi. Et le cirque tout entier va être fier de toi. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Avale maintenant. Nous surmonterons tous les obstacles. Hein? Il y a des ratés dans ton moteur? Dumbo, il faut que tu sois gonflé à bloc. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? gentil. Mon mari, voilà ce que tu fais là. Très bien. Allez, souffle-moi une cubique maintenant. Vas-y. Oh, dis. Oh, c'est drôlement calé. Là, fais-en une. Une grande comme un ballon. Des éléphants, les voici, tipiti-topiti, au moins, oh, oh, oh, sans vin, issu des vapeurs du vin. Hola, hola, la ronde à faire mal est là, les voici, les piti-clopiti, des fois, je vais perdre mon sang-froid. Où me cacher, où me sauver, que c'est bête de rêver. C'est vraiment trop fort. On voit des éléphants roses quand on a bu, dis donc. Mais maintenant, j'en vois de tous les dons. Et je sens battre mon cœur de peur. Quelle horreur! Allez-vous-en, allez-vous-en, éléphants terrifiants. La marche des éléphants. Les éléphants. Les éléphants. Les éléphants. diable a fait de choses là ne me paraît pas naturel. Mais c'est à ne pas en croire ses yeux. Et on dirait qu'ils sont morts. Non, ils ne ronfleraient pas s'ils l'étaient. Je le crois. Quoi, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces commérages? Allez, faites-moi de la place, messieurs. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Voyons, racontez-moi ce qui se passe. Mais regarde un peu en bas. Et prépare-toi à recevoir un choc. Quoi? Eh bien, que je sois pendu. Là, allez, réveille un peu ces oiseaux. Ouais, et puis demande leur dans ce qu'ils font là. Oui, ils cherchent à savoir ce qu'ils veulent. C'est très bien. Alors j'y vais. Cette parade d'éléphants. Oh, quelle cuite! Qu'est-ce qui vous fait rire? Pourquoi vous baladez-vous à terre au lieu de voler? Quoi? Tu te crois sur la terre ici? Vous l'entendez, messieurs? Retourne à ton perchoir. Écoute un instant, mon petit rat. Petit rat? Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas un rat, et encore moins ton petit rat. Et je suppose que ni toi ni l'éléphant n'êtes perché dans un arbre. Non, je ne monte jamais aux arbres. Quoi? Dumbo! Dumbo! Réveille-toi! Réveille-toi, Dumbo! Peut-être que je rêve, mais je crois que nous sommes dans un arbre. Attention à ces croque-morts. Allez, viens, Dumbo. Rentrons aussi. Je me demande comment nous avons pu grimper sur cet arbre. D'ordinaire, les éléphants, ça ne grimpe pas aux arbres. Allons, allons, c'est ridicule. En sautant, peut-être? Non, non, c'est trop. Hé, hey, dis donc, tu crois pas que c'est en volant? Mais c'est bien possible. Eh, ma foi, oui. C'est ça! Dumbo! Il vole! Que je suis bête, dire que je n'y ai pas pensé plus tôt. Regarde tes oreilles, Dumbo. Mais c'est comme des ailes d'oiseaux. Elles ont ralenti notre dégringolade. Avec des ailes, on s'élève, on s'élève, on s'élève! Quelle idée, la gloire est à nous. Dumbo! Une étonnante merveille de la nature, le seul éléphant volant du monde. Avez-vous jamais vu un éléphant voler? Moi, j'ai vu un dragon voler. Ah, j'ai vu un poisson voler. Moi, j'ai vu voler un portefeuille. Moi, j'ai vu des tas de choses. J'ai vu depuis 100 ans des cas stupéfiants. J'ai vu un asticot cligner de l'œil. Mais je n'ai plus rien, rien, rien à voir à présent. Si je vois voler un éléphant. Vous dites, patron? J'ai dit, si je vois voler un éléphant. J'ai vu un merle blanc boire et devenir noir. Une limace danser la java. Mais je n'ai plus rien, rien, rien à voir à présent. Si je vois voler un éléphant. J'ai vu un escargot au grand galop. Et quelqu'un a vu un paon mettre un pneu à sa roue. Je garantis rien, c'est pas certain. Je vous crois, mais c'est parce que je suis poli, je l'avoue. J'ai vu un ver luisant. En panne de courant. Vous faites rigoler, vraiment. Mais je n'ai plus rien, rien, rien à voir à présent. Si je vois voler un éléphant. Bon. Bah, n'ai plus rien, rien, rien à voir à présent. Si je dois voler un éléphant avec le vent. Ça va, vous faites les malins. Mais j'en ai assez maintenant, ça suffit. Faites silence, messieurs. Vous bénéficiez d'un discours de maître Raton. Hein, vous devriez rougir, c'est abominable. Une bande de forts gaillards comme vous se moquer d'un malheureux orphelin comme lui. Imaginez qu'on vous ait arraché à votre mère quand vous étiez encore au biberon. Vous n'auriez pas connu le berceau douillet, ni la trompe d'une tendre maman qui vous berce et vous caresse. Seriez-vous content de vous voir abandonné, tout seul, dans ce monde égoïste et méchant? Et pourquoi? Je vous le demande, pourquoi? C'est parce qu'il a les oreilles un peu grandes qu'on le considère comme un paria. Tout le monde se moquait de lui au cirque, et quand sa mère a voulu prendre sa défense, on l'a enchaîné dans un cachot. Et pour couronner le tout, on a fait de lui un clown. C'est un déclassé maintenant. Mais à quoi bon essayer d'attendrir des corbeaux? Allez-y, amusez-vous, moquez-vous de lui. Allez, achevez-le, il est à terre, courage. Au point où on en est. Allez, viens, Dumbo. Dis pas si vite, une minute. Ben, faut pas t'en aller avec ces idées-là. Maintenant, on voit clair. Vous me plaisez, les gars. Arrière. En voilà assez. Ne te fais pas de bile, on va arranger l'affaire. Vous êtes d'accord, messieurs? Tu veux faire voler cet éléphant, n'est-ce pas? Ben, c'est une question psychologique. Tu sais, la psychologie. Écoute, voilà ce qu'il faut faire. Tu vas d'abord... Et tout de suite après, alors, tu vas... Voilà la plume magique. T'as pigé? La plume magique. Oui, j'ai pigé. Dumbo, regarde! Regarde ça! Tu pourras voler grâce à la plume magique. Attention, allons-y! Allez, courage! Oh, ah! Oh, ah! Voyons, plus vite les oreilles, plus vite! Entre ton train d'atterrissage! Enlevez les cales, on décolle! Ah, y a rien à faire, on ne décolle pas. Ils nous ont sûrement fait une blague. Regarde! On a ça! Tu voles! Mais tu voles! Ah, mais il vole comme un aigle. On dirait un clipper. Bon, maintenant j'aurai tout vu. Moi je n'ai plus rien, rien à voir à présent. Je vois voler un éléphant. Qu'on arrive dans une grande ville. Hein? Ça va faire un drôle de raffut dans le patelin. Regarde ce gratte-ciel. Dumbo, te voilà dressé sur le tremplin de la gloire. Regarde pas en bas, tu aurais le vertige. Nom d'un chat. Oh, ce que tu vas les épater. Oh, oh. Tu as la plume magique. Parfait. Prêt. Contact. Enlevez les cales. fait de magique. Dumbo, allons vite, redresse. Ouvre tes oreilles. La plume magique, c'était une blague. Tu sais voler. Je te jure que tu sais. Allez, ouvre tes oreilles. L'éléphant volant atteint la gloire. Ses oreilles sont assurées pour $1 million. Dumbo bat le record de l'altitude. Son manager signe un contrat pour Hollywood. Quoi qu'on leur fasse, on ne sait pas que aussi n'en suis pas sans peur.